lundi que nous sommes mardi, que nous sommes mardi. Lundi que nous sommes mardi, que nous sommes mardi. Mais l'autre m'a dit que nous sommes lundi. Mais l'autre m'a dit que nous sommes lundi. C'est donc ainsi que semaine, une semaine. C'est donc ainsi qu'une semaine, semaine. C'est à ma mercredi, celui-là qu'on est jeudi. C'est à ma mercredi, celui-là qu'on est jeudi. Mais moi je dis qu'on est mercredi. Mais moi je dis qu'on n'est pas jeudi. C'est donc ainsi que semaine, une semaine. C'est donc ainsi qu'une semaine, semaine. Tu as acheté 5 chemises samedi. Est-ce que ça te dirait de me les vendredi? Est-ce que ça te dirait de me les vendredi? C'est donc ainsi que semaine, une semaine. C'est donc ainsi qu'une semaine, semaine. Si ça me dit de te les acheter, si ça me dit de te les acheter, c'est que 5 chemises au fond dimanche. C'est que 5 chemises au fond dimanche. C'est donc ainsi que semaine, une semaine. C'est donc ainsi qu'une semaine, semaine. C'est donc ainsi que semaine, une semaine. C'est donc ainsi qu'une semaine, semaine. Quel jour aujourd'hui? On est bien lundi. Attends, aujourd'hui on est mardi. Si, aujourd'hui on est lundi. Mais non, on est mardi. Regardez dans le calendrier. Aujourd'hui, regardez dans le calendrier. On est lundi aujourd'hui. Aujourd'hui on est mercredi. Aujourd'hui il n'y a pas d'école. Demain, demain de toute façon c'est mercredi. Que quoi? Demain. Voilà, c'est que quoi? C'est pas vrai. Hier, aujourd'hui. Mais non, ça dépasse pas tant de temps. Quel jour on est aujourd'hui? Vous savez quel jour on est? Non. On est vendredi. Mais non, c'est quoi vendredi aujourd'hui? C'est lui qui l'a dit. Vendredi dans ta tête. Vendredi. On est vendredi aujourd'hui. On est vendredi aujourd'hui. On est mardi. Si moi je suis sûr de ce que je dis. Aujourd'hui, c'était pas vendredi. On est. Et si demain c'est dimanche, je sais plus, mais ça n'est pas hier. D'accord, pour savoir quel jour on est. C'est la date. Je sais pas pourquoi on se fait jour d'aujourd'hui. Moi j'ai dit, c'est samedi. Toi à la livre, on disait, c'est lundi, mardi, ça m'a pas la peine. Mercredi, c'est un cycle quoi. Bon, c'est quoi la chanson d'après maintenant? C'est La pauvre enfant. Ah oui, La pauvre enfant, c'est la chanson, elle meurt à la fin. Non, elle meurt pas à la fin.